Moi, c'est Benjamin. Je suis français aussi. Je suis nouvel arrivant en fait au Québec. Ça fait pas très très longtemps que je suis là, mais je fais des études à l'UQAM. Je fais mon doctorat là-bas en sciences politiques. Et aujourd'hui, je travaille plutôt généralement sur le sujet de la décolonisation, mais c'est pas particulièrement. Enfin, sur un sujet un peu connexe que je vais parler aujourd'hui. Je vais présenter un bouquin qui est paru en 2015 et qui est à cheval entre les études de genre, les études queer et les études autochtones, et qui traite des hommes et des masculinités autochtones en Amérique du Nord et dans les pays de l'ancien Commonwealth britannique, de manière générale. Ok. Normalement, on devrait commencer avec une intervenante qui va commencer par téléphone, mais nous allons commencer avec vous deux. Alors, pour les raisons que je vous expliquerai plus tard. Donc, lequel de vous deux serait prêt à commencer sa chronique maintenant? Benjamin, je crois. Ok, bah, pas de problème. Moi, ça me va très bien, de toute façon. Alors, Benjamin. Donc, c'est ça. Moi, je voulais vous parler d'un livre, je disais, qui traite des masculinités autochtones. En fait, c'est un livre qui a été publié en anglais en 2015, en novembre 2015, mais qui a surtout fait parler un peu plus de lui en 2016, qui a été publié aux presses de l'Université du Manitoba, et qui s'intitule en fait Indigenous Men and Masculinities, donc en français les hommes autochtones et les hommes et les masculinités autochtones. Je suis pas sûr qu'il ait été publié en français, mais il a reçu un prix en tout cas pour le meilleur livre d'une presse manitobaine, je crois, en 2016. Donc en fait, moi je vais vous présenter un petit peu, je vais y aller en deux, trois temps. Je vais vous présenter un peu déjà de manière très générale le livre, et puis après je vous parlerai un petit peu plus du contenu. Donc en fait, c'est un livre qui est intéressant parce qu'il est quand même accessible. Bon, il a été publié dans des presses universitaires, mais c'est pas un bouquin uniquement pour des universitaires. On y retrouve c'est un bouquin de collaboration, là. Il y a 16 chapitres avec 16 auteurs, voire même un peu plus, si je me souviens bien, qui sont, pour la très grande majorité d'entre eux et elles, autochtones. Puis je pense qu'il y a un ou deux auteurs allochtones aussi qui participent au bouquin. Mais je disais, c'est un livre qui est quand même relativement accessible parce que il n'y a pas que des articles, il n'y a pas que des chapitres d'analyse purement universitaire. Il y a aussi des chapitres de fiction dedans et des chapitres d'entrevues. C'est lié au fait que dans les collaborateurs qui ont participé à l'ouvrage, il y a des écrivains, il y a des artistes, bref. Donc en fait, ce bouquin-là, il est né de la rencontre de deux choses. Il est né de la rencontre d'abord d'un regroupement qui s'appelait le Bidwe Widam Indigenous Masculinities Project, qui a été créé dans les prairies, si je me souviens bien, et qui marchait de 2011 à 2013 et qui rassemblait à la fois des chercheurs, des travailleurs dans le milieu communautaire, des membres de communautés aussi, qui voulaient travailler un petit peu sur la question des liens qu'entretiennent les hommes autochtones à leur masculinité et aux modèles les modèles masculins qui leur sont présentés. Bidwe Widam en Anishinaabe, en fait, ça veut dire arriver en parlant. Ça fait un peu référence à l'expérience qu'on peut avoir, admettons, quand on est dans le bois, puis que on entend de loin arriver des gens. Donc, on entend d'abord des voix de manière un peu imprécise, et puis petit à petit, elles s'approchent et on entend de manière de plus en plus précise la conversation jusqu'à en faire partie soi-même. Et c'est un peu cette idée, il y a cette idée de continuité, de faire ressurgir des voix qui sont déjà présentes mais qu'on n'entend pas de manière habituelle. Bref, donc c'est un groupe qui a travaillé avec un certain nombre de gens. Par exemple, ils ont travaillé avec des centres d'amitié autochtones, mais ils ont aussi travaillé avec des groupes plus locaux, notamment un qui s'appelle les Crazy Indians, qui est composé d'hommes, en fait, de jeunes hommes généralement qui ont fait partie pendant un moment donné du milieu des gangs de rue, puis qui ont voulu s'en sortir et puis qui ont créé ce groupe-là, en fait, qui utilise un petit peu la même structure, mais pour rejoindre des jeunes, pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer un peu mieux dans leur communauté, pour finalement pour qu'ils aient des modèles de vie aussi qui soient qui soit meilleur, en fait. Et donc, il y a eu ce premier projet-là qui a rencontré après une table ronde dans un colloque universitaire aux États-Unis, qui était un colloque annuel d'une organisation, d'une association d'études autochtones américaines. Et ils avaient une table ronde donc qui traitait des études queer, des études de genre et des rapports en fait au monde autochtone. Et de là, de ces deux choses-là, est né ce projet de livre, donc qui traite des relations qu'entretiennent les hommes autochtones avec les modèles de masculinité qui leur sont présentés et qui sont d'ailleurs pour la plupart issus de la colonisation. Donc voilà un peu pour le contexte. C'est un livre qui traite, comme je disais précédemment, surtout des questions en Amérique du Nord, c'est-à-dire bon au Canada, aux États-Unis, mais aussi à Hawaï, qui traite aussi de la relation, enfin des relations qu'entretiennent les hommes autochtones à leur masculinité en Nouvelle-Zélande, mais qui aborde pas du tout, par exemple, la question de l'Australie ou d'autres pays qui ont été colonisés par des forces européennes. Donc, ce livre-là, il commence. Donc les deux éditeurs en fait qui ont mis au point ce livre-là sont Robert Innes et Kim Anderson, qui sont assez connus dans leur domaine, qui travaillent généralement sur les questions de genre justement et d'études autochtones. Et ils ouvrent leur livre en parlant des femmes autochtones, en disant depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on entend beaucoup plus, en tout cas on prête beaucoup plus attention aux questions qui sont liées aux conditions des femmes autochtones, en grande partie parce que les femmes se battent depuis très longtemps en fait pour que leur voix soit entendue. Au Canada notamment depuis les années 80. Et c'est dû au fait qu'elles ont fait un travail de fond qui est immense, qui a vraiment pas été facile parce qu'elles l'ont fait souvent avec très peu de moyens. Elles l'ont fait aussi en rencontrant beaucoup d'opposition, autant dans la population dominante chez les Blancs que chez les Autochtones. Mais elles ont quand même, elles ont réussi à force d'essayer à ce que la population de manière générale soit peut-être un peu plus informée, en tout cas soit conscient qu'il y a des problèmes. Et les auteurs commencent en disant c'est excellent, mais ce qu'on mentionne un peu moins souvent, et puis il faut garder en tête que les auteurs en question, là, les deux que je mentionne qui font l'introduction, sont des universitaires, donc c'est des gens qui travaillent avec des statistiques, qui aiment bien retourner les questions, etc. Commence en disant ce qui est étrange, c'est que statistiquement, souvent, ce sont les hommes autochtones qui finissent le plus souvent en prison, qui sont le plus susceptibles de faire face à de la violence dans leur vie, d'être tués, de disparaître, etc. Mais on en parle beaucoup moins. Puis c'est surtout aussi les hommes qui souvent sont responsables de violence. Et je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est souvent un argument qui est réutilisé par les conservateurs, en tout cas qui est mobilisé par les conservateurs au Canada pour dire « Ah, mais de toute façon, le problème des femmes autochtones, c'est avant tout les hommes autochtones, donc je vois pas pourquoi on parlerait de la police, ou etc. » Les auteurs, déjà, en commençant, ne disent pas du tout ça. Ils disent « ça, faut pas tomber là-dedans. Ce qui est important, c'est de regarder les rapports qu'entretiennent les hommes autochtones avec leur masculinité, parce que les problèmes auxquels ils font face ont la même cause que les problèmes auxquels font face les femmes. C'est-à-dire, c'est la colonisation, c'est l'impact du colonialisme sur leur vie. Et que, et ça c'est ce que disent un certain nombre d'auteurs, si on veut véritablement avoir une position féministe autochtone, il faut être capable de penser la complémentarité. C'est-à-dire qu'il faut être capable de penser que la situation des femmes ne se résolvera pas tant qu'on ne pensera pas en même temps la situation des hommes. Donc c'était un petit peu, c'est un peu ça le sujet principal du livre. Donc c'est évidemment un sujet extrêmement vaste qui est traité de manière très différente. C'est-à-dire qu'on a à la fois des auteurs qui sont des aînés dans leur communauté, qui vont vous parler des conceptions traditionnelles des masculinités autochtones. Et puis c'est un point qui est important, c'est qu'il faut bien prendre les masculinités et les hommes autochtones au sens pluriel. Les auteurs le rappellent souvent, la colonisation a essayé d'imposer des modèles uniques sur une grande diversité de populations. Une partie du travail de décolonisation, c'est de retrouver la diversité de toutes ces traditions, de toutes ces modes de vie, puis de les différentes conceptions aussi qu'on peut avoir de la masculinité ou des masculinités. Et donc, c'est ce un peu à quoi s'attellent ces auteurs-là. Donc, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que c'est un livre qui, à mon avis, fait un bon travail de défrichage, c'est-à-dire d'aller chercher des informations, d'avoir un point de vue critique sur tout un tas de choses, autant sur la masculinité elle-même que sur le rapport à la tradition et comment parfois la tradition est invoquée pour des choses qui, au final, sont pas traditionnelles du tout, c'est-à-dire le patriarcat. Il y a quand même un certain nombre d'hommes et de femmes autochtones qui rappellent que les populations, les sociétés autochtones d'avant la colonisation n'étaient pas particulièrement patriarcales. C'était même souvent le contraire. Elles étaient plutôt matrilinéaires, si ce n'est matriarcales. Donc, en tout cas, je vous en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est que c'est un livre qui se lit bien, parce que l'avantage, c'est que vous pouvez lire juste un chapitre et puis vous n'êtes pas perdu avec le reste. Il y a des pièces de fiction dedans que moi j'ai trouvé vraiment extrêmement extrêmement touchantes, qui sont souvent par des auteurs qui sont connus, que moi je connaissais, puis qui font partie de mes auteurs favoris. Je pense notamment à Where in Car You ou bien Negan Wewidam, James Sinclair, qui sont assez connus au Canada. Puis voilà, c'est un livre qui coûte une trentaine de piastres, mais qui devrait intéresser quand même pas mal de monde. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, Benjamin.